إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Alhamdulillah, aujourd'hui on va commencer le cours 40 dans la lecture du livre Al-Fatwa al-Hamawiyya al-Kubra. Et on fait l'explication en même temps de ce livre qui est écrit par Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah avec différents livres qui ont été, disons, qui sont des explications de ce livre, différents charh. Hein. Et on a lu jusqu'à date le charh de Cheikh Salih Al-Fawzan pour l'introduction, puis on continue avec le charh de Cheikh Abdelaziz Ibn Baz et le charh de Cheikh Salih Al-Sheikh qui ramène aussi beaucoup de points bénéfiques dans l'explication de ce livre. Donc, au dernier cours, je ne sais pas qui était là au dernier cours, qui était présent, je pense que toi tu étais là. Oui. Dimanche d'avant, je me souviens que tu étais là, il y avait Ahmed aussi, puis je me souviens plus qui d'autre. Oui, c'est ça. Ok, khair, inshallah. Donc, est-ce que vous vous souvenez quelle parole on a lu en dernier? Peut-être que vous n'avez pas noté ça. Est-ce qu'on avait expliqué le tafsir? Qu'est-ce que l'imam Abu Zur'a a mentionné au sujet du tafsir de la parole d'Allah, Ar-Rahman ou Ala al-Arsh istawa, du fait que il a expliqué que ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, qui est Ar-Rahman, le tout miséricordieux, il s'est élevé sur le trône. Istawa ala al-Arsh. Et l'imam Abu Zur'a Ar-Razi, un des grands imams d'Ahl Sunnah wal Jama'a, il a dit تفسيره كما تقرأ هو على العرش. C'est-à-dire son explication ou son interprétation, c'est tel que tu le lis, tel que tu le récites. Il est sur le trône. وعلمه في كل مكان. Et sa science est en tout lieu. La science d'Allah est en tout lieu. Mais lui, Allah subhanahu wa ta'ala, est au-dessus de son trône. Et donc ça, c'est pour réfuter ceux qui prétendent que Allah subhanahu wa ta'ala est partout. Et en toute chose, par sa personne et son être. Comme les soufis, les gens qu'on appelle al-hululiyya, ou bien al-wahdat al-wujud. Et l'imam Abu Zur'a a dit, pour terminer, après, il a dit, man qala ghayra hadha fa'alayhi la'natullah. Celui qui dit autre que ça, alors que la malédiction d'Allah soit sur lui. Et na'am. Donc le cheikh Salih al-Sheikh, il parle à propos de cette parole, et je ne pense pas qu'on avait mentionné ça au dernier cours. Il dit هَذَا وَعِيدٌ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ مِنَ التَّحْذِيرِ لَعْنَةٌ لِغَيْرِ مُعَيَّنْ أَمَّا لَعْنُ الْمُعَيَّنْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَجُوز لِأَنَّ لَعْنَ الْمُعَيَّنْ لَعْنَ الْمُؤْمِنْ كَقَتْلِهِ ولعن الكافر فيه قولان لأن أهل العلم فيه قولان لأهل العلم وأصحها أو أصحهما أنه لا يعلن إلا لحاجة لأن المؤمن ليس باللعان فلعن الجنس غير لعن المعين فمثلا في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح في النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات. قال في أحد الروايات: أينما لقيتموهن فلعنوهن فإنهن ملعونات. وهذا يقصد به لعن الجنس لا لعن المعينة من النساء، فإن لعن المعين من المسلمين لا يجوز، فإن لعن المعين من المسلمين لا يجوز، لأن لعن المؤمن كقتله. ففرق بين لعنة الجنس ولعنة المعين على التفصيل الذي ذكرته، مثل ما قال هنا: من قال غير هذا فعليه لعنة الله. وهذا يحذر من هذا العمل ويخاف منه. C'est un petit point que Cheikh Saleh al-Sheikh a mentionné au sujet de la parole de l'imam Abu Zura al-Razi. Il mentionne que celui qui dit autre que cette parole, alors que la malédiction d'Allah soit sur lui. Et à propos de la malédiction d'Allah, ou d'invoquer sur quelqu'un la malédiction d'Allah, c'est quelque chose, le Cheikh il dit, c'est une forme de menace et une mise en garde et un avertissement contre le fait de dire autre que cette parole. Les ulama disent que la signification de al-la'na, c'est at-tard. At-tard wal-ib'ad. At-tard wal-ib'ad. An rahmatillah. C'est-à-dire de rejeter et de repousser quelqu'un de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici donc il dit que c'est une mise en garde et un avertissement, et que de maudire ou que d'invoquer la malédiction sur un individu en particulier, c'est pas la même chose que d'invoquer la malédiction d'Allah sur une caractéristique ou sur disons une attribut de façon générale, une malédiction qui est plutôt absolue. Tandis que d'invoquer une malédiction sur une personne spécifique, c'est pas la même chose. Il y a deux verdicts différents. D'invoquer, de mentionner la malédiction de façon générale sur une catégorie ou une sorte de personne, c'est permis. Hein, tandis que d'invoquer la malédiction sur un individu en particulier, c'est pas permis. Et en particulier si c'est un individu spécifique parmi les musulmans. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que d'invoquer la malédiction sur un musulman, sur un croyant, c'est comme si tu le tuais. Hein? D'invoquer la malédiction sur un mu'min, un croyant, c'est comme le tuer. Et donc, imaginez, il y en a de faire pire que ça. Subhanallah, c'est ceux qui sont en train de tuer les mu'minines actuellement parmi les khawarij. C'est plus grave que de les maudire ou de les insulter. Il dit wa la'nul kafir. En ce qui concerne la malédiction ou d'invoquer la malédiction d'Allah sur les kuffars ou sur un kafir en particulier, il y a deux paroles chez les hommes de science à ce sujet-là. Et la plus correcte des deux positions, c'est que on ne doit pas le maudire ou invoquer la malédiction sur lui, excepté pour une nécessité ou un besoin, excepté s'il y a un besoin de le faire. Parce que le mu'min, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le mu'min il n'est pas la'an. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: laysa al-mu'minu bil-la'an wala al-ta'an wala al-fahish wala al-bathi. Ça veut dire que le croyant, il n'est pas vulgaire, il ne dit pas des paroles vulgaires, des paroles d'insultes pour maudire les gens. Et ce n'est pas quelque chose qui fait partie de sa personnalité. Il n'est pas la'an. La forme en arabe, la'an, ça vient du modèle en arabe, fa'al. Fa'al. Et c'est la forme, disons, comment je pourrais dire, je ne sais pas comment on appelle ça en français, le terme grammatical, mais c'est pour dire que quand quelque chose est fait excessivement. Hein? Donc quand tu fais quelque chose, comme par exemple en arabe, tu veux dire, celui qui fait une action, tu dis qu'il est al-fa'il, celui qui fait l'action. Mais al-fa'al, c'est celui qui fait cette action, mais qui l'a fait excessivement, qui l'a fait beaucoup. Hein? Donc, quand, si tu veux dire par exemple, celui qui maudit, c'est-à-dire Al-La'in, celui qui maudit, qui fait qui dit Al-La'na, qui invoque la malédiction d'Allah. Tandis que celui qui est La'an, ça c'est celui qui maudit beaucoup et qui invoque la malédiction sur les gens beaucoup, dans le sens que ça devient, wa alaykum salam wa rahmatullah, ça devient une partie de sa personnalité, de ses caractéristiques, de son attitude. Je dis celui-là, il est La'an, il maudit tout le temps. Pardon? Ça part, non, ça ne part pas avec les hommes ou les femmes. Ça peut être une caractéristique d'un homme, ou ça peut être la caractéristique d'une femme aussi, de dire toujours l'ana. Tu comprends? Mais c'est blâmable. C'est blâmable, parce que le prophète Sassou m'a dit de ne pas être comme ça. Tu comprends? Et, naam. Donc, il a dit si c'est pour un kafir, on ne doit pas le faire excepté pour un besoin, parce que ça ne fait pas partie de la caractéristique du mu'min de toujours dire l'ana et d'invoquer la malédiction sur les gens. Mais il dit que فَلَعْنُ الْجِنْسِ غَيْرْ لَعْنَ الْمُعَيَّنِ. Ça c'est un point important, c'est que c'est permis d'invoquer la malédiction sur un groupe en général. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. Que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens, ils ont pris les tombeaux de leurs prophètes comme des lieux d'adoration. Donc les endroits où leurs prophètes et leurs hommes saints, les saints et les pieux étaient adorés, eux ils ont pris ces endroits là comme des lieux de prière, et c'est pas des lieux à prendre comme lieux de prière, parce que ça amène les hommes à tomber dans le shirk. Donc si tu prends les cimetières et les endroits où les hommes sont enterrés, comme les tombeaux, comme des lieux d'adoration et des lieux de prière, ça ramène les hommes à tomber dans l'idolâtrie après un certain temps, puis à commencer à adorer les morts au lieu d'adorer Dieu seul. Et ça c'est la base du shirk, c'est la base de l'idolâtrie et du fait d'associer avec Dieu des égaux et des partenaires dans l'adoration. Et ça c'est pour ça donc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas maudit un individu spécifique, en particulier parmi al-Yahoud wa al-Nasara. Mais il l'a dit de façon générale. Ok? Ou bien, le cheikh, il donne un autre exemple, comme dans le hadith qui est rapporté par l'imam muslim. Il y a deux narrations de ce hadith-là, où il décrit les femmes comme étant vêtues, mais nues en même temps. Elles sont habillées, mais c'est comme si elles étaient nues. Pourquoi? Parce qu'elles ne s'habillent pas d'une manière qui est correcte. C'est-à-dire, elles portent des vêtements, soit que ces vêtements-là sont transparents, ou soit que ce sont des vêtements qui sont tellement collés sur la peau qu'elles décrivent toutes les formes du corps. Donc, c'est comme si elles n'avaient rien. C'est comme si elles ne portaient aucun vêtement en réalité. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrits en disant qu'elles sont « kasiyat ariyat ». Kassiya, ça veut dire qu'elle est couverte, et Aria, ça veut dire qu'elle est nue. Et le pluriel, Kassiyat, Ariyat. Ok? Donc il y a beaucoup de femmes qui rentrent dans cette catégorie-là aujourd'hui, malheureusement. Elles portent des vêtements, mais en réalité, c'est comme si elles étaient nues. Et Ma'ilatun Mumilat. Et le prophète sallam, il a dit qu'elles penchent vers les hommes, et les hommes penchent vers elles. Et il les a décrits par d'autres descriptions par la suite. Puis il a dit dans une des narrations, peu importe où vous les rencontrez, ces femmes, maudissez-les, car elles sont maudites. Et le cheikh, il a dit, ici ça ne veut pas dire la malédiction spécifique et particulière de chacune d'entre ces femmes. C'est-à-dire, si tu vois une femme qui est kassiya aliya dans la rue, tu n'as pas le droit de lui dire la'natullah alayki. Ok? En particulier. Mais tu peux dire, yani, de façon générale, la'natullahi ala al-kasiyat al-ariyat. Que la malédiction d'Allah soit sur les kasiyat ariyat. Et elle rentre dans la catégorie, sauf que tu le dis pas à elle en particulier. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que on n'a pas le droit, comme si tu maudis un individu parmi les mu'minines, c'est comme si tu l'avais tué. Comme ça équivaut à ça. Donc c'est un grave péché, c'est pas correct de faire ça. Et il dit donc qu'on n'a pas le droit de maudire une femme en particulier parmi les femmes qui serait dans cette caractéristique de femme-là, parce que c'est pas permis de maudire un musulman en particulier. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, فَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ, hein, que la malédiction d'Allah soit sur les kafirins, les mécréants. Mais de maudire un kafir en particulier, c'est pas permis. Hein, aussi. Il y a des paroles des ulama là-dessus. Certains disent oui, c'est permis si c'est un kafir pour un besoin, comme on a dit. Et d'autres disent non, c'est pas permis du tout. Hein. Et après, qu'est-ce qu'il dit ici, le cheikh? Donc il dit, c'est ça. Il faut distinguer entre le fait de maudire un individu en particulier et de maudire, il y en a un groupe ou une caractéristique ou une catégorie de façon générale. Et aussi pour vous donner un autre exemple de ça, c'est comme le takfir. Les ulama parfois ils vont dire celui qui dit telle parole il est kafir. Comme on l'a lu par exemple dans des paroles à propos des salafs au sujet de ceux qui nient que Allah est au-dessus de son trône, comme la parole de Abu Hanifa. On a lu dans les cours précédents, il a dit, celui qui dit, je ne sais pas si Allah est au-dessus de son trône, ou je ne sais pas si le trône est dans les cieux ou sur la terre, il est kafir. Eh bien, il y a une différence entre le verdict général, de dire telle parole est kufr, ou celui qui dit telle parole, il est kafir, et de dire à un individu spécifique et particulier, tu es kafir. C'est deux choses différentes. Parce que les ulama, ils disent toujours qu'avant d'appliquer le hukum, le verdict du takfir sur un individu spécifique, il faut que certaines conditions soient présentes et certains empêchements soient éliminés. Et parmi ces exemples-là, il faut vérifier que la personne ne soit pas ignorante. Il faut vérifier que la personne ne fasse pas partie de ceux qui ont des shubuhat. Il faut vérifier que la personne, par exemple, elle n'a pas dit ça par erreur. Ou bien des choses comme ça, par exemple, et aussi, il faut établir la preuve sur la personne pour vérifier justement que la personne n'était pas ignorante lorsqu'elle l'a mentionné. Donc c'est une chose de dire une parole de kufr, puis c'est une chose d'appliquer le verdict du takfir sur l'individu qui a dit cette parole de kufr ou qui a fait cette action de kufr. Et donc c'est ça que parfois les gens de takfir et les khawarij ils comprennent pas. Ils vont lire dans les paroles des ulama le takfir de certaines actions ou de certaines paroles ou de façon générale ceux qui font telle chose sont des koufars, mais ça ne veut pas dire que les ulama font le takfir de chaque individu spécifique qui disent ou qui font cet acte ou qui dit cette parole ou qui font cet acte en particulier. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui? Ok, d'accord. Donc distinguer entre le verdict absolu et général et l'application de ce verdict sur un individu spécifique, c'est deux choses différentes. Naam. Donc, maintenant, on va rentrer dans un autre exemple de parole à propos des noms et des attributs d'Allah. Et c'est ici Al-Iman bil-Qur'an ou l'Ahadith allati ja'a biha al-Thiqat an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi sifati Rabbi min ghayri tafsir wala wasf wala tashbih. Et naam. Donc c'est-à-dire que la foi en le Coran et en les hadiths et en ce qui a été rapporté par les hommes fiables de la part du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sans faire de tafsir de wasf ou de tashbih, c'est-à-dire sans interpréter ces paroles. Et ici, on veut dire l'interprétation qui a une connotation fausse ou une déformation du sens de qu'est-ce que ces attributs-là signifient réellement, sans description, c'est-à-dire décrire en utilisant les descriptions des jahmiyyah, hein, ceux qui déforment le sens des attributs, puis sans faire de ressemblance entre le créateur et la créature. On va expliquer chacun des exemples un par un, inshallah. Il cite ici, il dit « Warawa ». Abu al-Qasim al-Lalaka'i صاحب أبي حامد الأسفرايني في كتابه المشهور أصول السنة بإسناده عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة فإنه قد وصفه بصفة لا شيء فقد وصفه بصفة لا شيء. Qu'est-ce que ça signifie maintenant ici? Qu'est-ce que l'imam il dit? Premièrement, on va faire la traduction, après on va lire les noms et les personnes qui sont mentionnées dans cette parole, et puis on va leur donner leur on va les identifier pour savoir qui ils sont, puis après on va inshallah yani lire l'explication de cette parole. Il a été rapporté par Abu al-Qasim al-Lalaka'i, celui qui était le compagnon de Abu Hamid al-Asfaraini, dans son livre célèbre Usul al-Sunnah, avec une chaîne de transmission authentique, avec une chaîne de transmission selon Muhammad ibn al-Hassan, le compagnon de Abu Hanifa, Muhammad ibn al-Hassan, on a donné sa biographie il y a quelques cours, et il a dit, c'était l'élève de Abu Hanifa et son compagnon, et il a dit, les fuqaha, ça veut dire tous les savants, sont d'accord de l'Est à l'Ouest, hein, de l'Orient à l'Occident. Tous les savants de l'Islam sont d'accord pour dire qu'il faut croire en le Coran et croire en les hadiths qui ont été rapportés par les rapporteurs authentiques. Ils ont rapporté ces paroles du messager sallallahu alayhi wa sallam au sujet de l'attribut du Seigneur, c'est-à-dire de l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on doit les prendre, c'est-à-dire prendre les hadiths qui parlent des attributs d'Allah, sans essayer de les interpréter, sans faire de description et sans faire de ressemblance entre le Créateur et la créature. Alors il dit, et celui qui essaie d'interpréter quoi que ce soit de cela aujourd'hui, il est sorti de ce sur quoi était le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et il s'est séparé de la jama'a. Il s'est séparé de la jama'a, c'est-à-dire de l'unité des musulmans et des gens de la sunna. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la jama'a, c'est-à-dire les sahaba et ceux qui les ont suivis, ils n'ont jamais décrit et ils n'ont jamais interprété à la manière des jahmiyyah quoi que ce soit des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand on leur a posé la question à ces sujets-là, ils ont répondu selon le livre et la sunna, c'est-à-dire selon le Coran et selon la sunna, puis ils se sont tus, c'est-à-dire ils n'ont pas rajouté rien. Ils ont mentionné ce que Allah a dit et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos des noms et des attributs d'Allah, et puis ils se sont arrêtés là. Celui qui dit aujourd'hui, celui qui dit la parole de Jahm et qui interprète les attributs d'Allah selon la parole de Jahm, il s'est séparé de la jama'a, hein, parce qu'il a décrit Allah par l'attribut du néant. Il a décrit Allah par l'attribut du néant ou de ce qui n'est pas. Bisifati la shay. Et c'est ça la réalité de la parole des Jahmiyyah. Parce que par exemple, même chez les Asha'ira, tu trouves cette parole. Ils disent, on ne peut pas dire rien à propos d'Allah, excepté qu'il existe. Si tu leur dis, si tu regardes dans leur livre, ils disent, Allah n'est pas en haut, n'est pas en bas, il n'est pas à gauche, il n'est pas à droite, il n'est pas en avant, il n'est pas en arrière, il n'est pas séparé du monde, il n'est pas avec le, il n'est pas dans le monde, il n'est pas séparé du monde, il n'est pas à l'intérieur de sa création, il n'est pas à l'extérieur de sa création. Donc il est où? Il est nulle part, il n'existe pas. Et en fait, la position des Jahmiyyah, c'est la position des athées, en fait. C'est la position de ceux qui croient en rien. Et il y a deux positions, comme on l'a expliqué dans le cours précédent. Ceux qui disent qu'il est tout, et qu'il est partout, et en tout, comme les gens de Wahdatul Wujud et les gens de Hulul, et à ceux qui disent qu'il est nulle part, il n'existe pas. Donc c'est, les deux positions, en réalité, sont équivalentes. Parce que si tu dis que tout est Allah, que Allah est tout, et que entre le créateur et la créature, il n'y a pas de distinction, eh bien, ça veut dire que tu nies l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Tu nies l'existence distincte d'Allah, puisque tu ne peux pas distinguer le créateur de la créature. Donc, c'est comme si tu niais son existence. Et il y a aussi la position de ceux qui disent, comme on l'a dit, ceux qui disent il existe, mais il est nulle part. Donc, ça, c'est une contradiction. Il n'est pas à l'intérieur de sa création, il n'est pas à l'extérieur de la création. Vous avez mentionné la parole de l'imam Ahmad ibn Hanbal, frère Abdullah même m'avait posé la question par rapport à la shubha des Ahbash. Ils disent, c'est quoi qu'ils disaient? Les Ahbash qui disaient, oui c'est ça, ils disent par exemple, où était Allah avant d'avoir créé quoi? L'espace, les endroits, les choses, les créations. Où était Allah avant d'avoir créé la création? Et ils pensent qu'en disant ça, ils ont réussi à amener un argument qui supporte leur position. Donc, tu leur dis, yani, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé la création, soit il l'a créé en lui-même, ou soit il l'a créé à l'extérieur de lui-même. Donc, tu ne dois pas poser la question, comme Allah subhanahu wa ta'ala, déjà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a posé la question, où est Allah? Ou plutôt le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé la question à l'esclave. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé la question à la jeune esclave. Où est Allah? Et elle a dit fis sama. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création, dans les cieux. Et il lui a dit wa man ana, qui suis-je? Et elle a répondu anta rasulullah. Elle dit tu es le messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit i'tiqha fa innaha mu'mina. Elle a dit libère-la car c'est une croyante. D'accord? Donc ça c'est la preuve, non seulement qu'on peut poser la question où est Allah, mais que la réponse correcte c'est celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvée, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala fait sama, c'est-à-dire au-dessus de sa création et au-dessus de toute chose. Hein? Comme il dit dans le Coran, Ar-Rahmanu 'ala l'arshi istawa. Il est au-dessus de son trône, au-dessus de sa création. Donc, s'il te demande où était Allah avant d'avoir créé la création, tu leur dis, yani Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé le monde à partir du néant, ok, et il l'a créé à l'extérieur de lui-même. Et il est, Allah subhanahu wa ta'ala, au jour de la résurrection, il va prendre les cieux et la terre et il va en faire une poignée dans sa main. Et Abdullah ibn Abbas, quand il a donné l'exemple de ça, il a dit, c'est comme une graine de sable dans la main de l'un d'entre nous. Et donc ça représente l'univers par rapport à Allah. L'univers entier, Allah subhanahu wa ta'ala, il le prend et le met dans sa main comme une graine de sable. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ عَمَّا يُشْرِكُونَ. C'est-à-dire Allah, il va faire une poignée de la terre au jour de la résurrection et il va plier les cieux dans sa main droite au jour de la résurrection. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il enveloppe toute chose. Hein? Et de poser ce genre de questions de la part de ces gens-là, s'ils te demandent ce genre de questions-là, c'est parce qu'ils sont en train d'essayer de nier l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces gens-là. Naam. Donc, ok, on a traduit la parole maintenant. L'imam al-Lalaka'i, c'est lui qui a rapporté cette parole. Qui est l'imam al-Lalaka'i? Je pense qu'on l'avait déjà lu dans les cours précédents, mais il n'y a pas de mal de le répéter. C'est un des imams et un des ulama. Donc l'imam al-Lalaka'i, son nom c'est Hibatullah ibn al-Hassan ibn Mansour al-Razi al-Tabari al-Lalaka'i Abu al-Qasim كان شافعي المذهب. Donc il était sur le madhhab de l'imam al-Shafi'i. ومن أشهر شيوخه الأسفرايني. Parmi ses شيوخ les plus célèbres, il y avait Abu Hamid al-Asfarayni, imam madhhab al-Shafi'i fi asrihi. C'était lui l'imam des Shafi'iyya à son époque. ومن أبرز تلامذته الخطيب البغدادي. Et parmi ses plus célèbres élèves, l'élève de, parmi les élèves de l'Alakai, c'était Al-Khatib al-Baghdadi. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Al-Khatib al-Baghdadi, mais c'est un très grand savant de l'islam. Il a écrit des livres sur presque, il y en a plein de sujets différents. C'est des livres très, il y en a, très bénéfiques et remplis de science. Je pense que parmi les livres qu'il a écrit, c'est le Sharh de Sunan Abi Daoud, l'explication de Sunan Abi Daoud, et aussi des livres comme Al-Faqih ou Al-Mutafaqih et d'autres également. Donc, Naam. Donc ça c'est un petit raccourci. Il a un livre qui s'appelle As-Sunna. Donc il dit, il a rapporté cette parole dans son livre qui s'appelle As-Sunna. En fait, son livre, c'est c'est comme un recueil. C'est un des plus grands recueils des paroles des salafs dans la Aqidah. Donc, si par exemple, tu entends parler de son livre As-Sunnah, en réalité, le titre au complet, c'est Sharh Usul I'tiqad Ahl-Sunnati Wal-Jama'a. C'est ça le titre. Sharh Usul I'tiqad Ahl-Sunnati Wal-Jama'a. C'est-à-dire l'explication des fondements de la croyance d'Ahl-Sunnati Wal-Jama'a. Ça, c'est le livre. Et il est composé, je pense, de 6 volumes. C'est un gros livre. Et dans ce livre, il y a le recueil des paroles des salafs sur différents sujets qui ont rapport avec les positions d'Ahl-Sunnah wal Jama'a, la réfutation des sectes et des gens de bid'a et la défense de la aqida des salafs. Donc beaucoup des paroles des salafs qu'on a aujourd'hui sur la aqida se retrouvent recueillies dans ce livre-là. Et il y a aussi un autre livre de l'imam Ibn Battah, qui est aussi un recueil de livres très volumineux avec la parole des salafs sur les positions des salafs dans la aqidah et dans le manhaj. Donc, c'est des livres que tu ne peux pas éviter. C'est-à-dire, tu ne peux pas te passer de ces livres-là. Si tu veux comprendre la voie des salafs et la aqidah des salafs et le manhaj des salafs, tu as besoin de ce livre. Le livre de l'imam Al-Lakai. Naam. C'est-à-dire qu'il y a l'explication des paroles dans d'autres livres, hein, et dans d'autres livres que yani, les ulama ont expliqué les paroles de certains des imams des salafs. C'est ça qu'on appelle les shuruh. Hein, naam. Et bon, à notre époque, alhamdoulilah, il y a de plus en plus de livres qui sont publiés pour expliquer justement la position des salafs et leurs paroles et dans les paroles des ulama contemporains. Hein? Naam. Ce livre-là de Sharh Usul al-Intiqad, ça c'est le livre de l'imam al-Lalakai, pas de al-Khatib al-Baghdadi. D'accord? Et il est disponible, oui. Il est publié, il est en vente dans les librairies musulmanes. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. أي نعم. Il a été publié de plusieurs éditions. Il y en a même des éditions avec des tahqiq, avec des vérifications, des manuscrits qui sont retournés aux manuscrits originels pour vérifier puis corriger les choses. Puis c'est un livre très très connu, très célèbre. Tout le monde, tous les tulab ilm et les ulama, ils s'y réfèrent. Donc ce livre-là, c'est une référence, hein, pour les tulab ilm lorsqu'ils veulent connaître les paroles des salafs. Sharh Usul i'tiqad Ahl Sunnah wal Jama'a. Puis il y a aussi le livre de l'imam Ibn Battah qui s'appelle Al-Ibana. Donc qu'est-ce que je voulais dire ensuite? Ok, donc l'imam, on a dit l'imam Al-Lakai, on sait c'est qui maintenant, on connaît son livre Usul al-Sunnah. Et Muhammad ibn al-Hassan, on a expliqué qui il était au cours précédent. C'était un grand imam parmi les ulama de Ahl al-Sunnah, un des grands élèves de l'imam Abu Hanifa et de d'autres imams également aussi. Naam. Ibn Battah. Mais parce que j'ai parlé de lui, mais étant donné que on avait déjà donné sa biographie, l'imam Ibn Battah, dans son livre Al-Ibana, on a dit, l'imam Ibn Battah, tu veux savoir quoi à son sujet? Ok, l'imam al-Lalaka'i, il est mort en l'an 418. Ça, c'est ce que je voulais mentionner aussi à son sujet. Et l'imam Ibn Battah, il s'appelle Abu Abdillah Ubaydillah Ibn Muhammad, Ibn Muhammad Ibn Battah. Et l'imam, et donc c'est ça, l'imam Ibn al-Jawzi a dit à son sujet, كان له حظ الحظ الوافر من العلم والعبادة. Il est né en 304 et il est mort en 378. Et c'est ça, un de ses livres, c'est Al-Ibana ala usul al-sunna wa al-diyana. Et on l'appelle Al-Ibana. Sharh wa. Il y a un autre. Il y a Al-Ibana al-Sughra, il y a Al-Ibana al-Kubra. En ce qui concerne Al-Ibana al-Kubra, il s'appelle Al-Ibana ala shari'at al-firaq al-najia. الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة. نعم. Donc il y a ce livre là de l'imam Ibn Battah. C'est bon? Et نعم. OK. On a lu maintenant en ce qui concerne Mohammed ibn al-Hassan, on a lu dans les cours précédents déjà. Donc on a compris cette parole. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit l'imam Ibn Taymiyyah, il cite, il dit Muhammad ibn al-Hassan akhadha an Abi Hanifa wa Malik wa tabaqatihima min al-ulama. Donc l'imam Ibn Taymiyyah, il nous mentionne maintenant qui était Muhammad ibn al-Hassan. Tu vois? Et la raison pourquoi, c'est pour qu'on sache que les gens de qui il parle et les gens dont il cite les paroles, c'est pas n'importe qui. C'est des grands imams de la science. Et il dit, Mohammed ibn al-Hassan, il a pris la science de qui? De Abu Hanifa et de l'imam Malik. Et des gens de cette génération-là. Donc, c'est pas n'importe qui parmi les, hein, parmi les hommes. C'est des grands, c'est des montagnes parmi les ulama. Wa qad haka ala hadha al-ijma'. Wa qad haka ala hadha al-ijma'. Il a mentionné qu'il y a un consensus des savants à propos yani, du fait qu'on doit accepter de croire en les attributs d'Allah tels qu'elles sont et on ne doit pas les interpréter de la manière dont les Jahmiyyah le font. C'est-à-dire de déformer le sens réel des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et de leur donner une signification différente. Comme les interprétations par exemple des Asha'ira, quand ils parlent de, par exemple, les attributs qui sont mentionnés dans le Coran et dans la Sunna, que Allah subhanahu wa ta'ala, il a une main, hein, et il dit, وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ. Ou bien quand il a dit au shaitan, مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, à propos des juifs, et les juifs ont dit la main d'Allah est fermée, c'est-à-dire ils accusent Allah d'être avare, hein, et de ne pas donner. Alors Allah subhanahu wa ta'ala les mots, il dit rullat aydihim, que leur main à eux soit fermée, hein, et qu'ils soient maudits pour ce qu'ils ont dit. Ces deux mains sont certes grandes ouvertes et ils dépensent de ses richesses comme il veut. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a deux mains. Et il dit au shaitan, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes deux mains, hein? Donc les Jahmiya et les gens de Bid'a, eux, qui nient les attributs d'Allah, ils disent, en fait, c'est pas des mains, c'est la force. Ou c'est pas des mains, c'est la grâce, hein? Donc est-ce que Allah a deux forces? Est-ce que Allah a deux grâces? Hein? Pourquoi il a dit avec mes deux mains? Hein? Il a dit avec mes deux mains. Si c'était sa grâce, est-ce qu'il a deux grâces seulement? Ou est-ce qu'il a deux forces? Hein? Non, ça se dit pas. Donc c'est des exemples, pour montrer que c'est des gens qui interprètent la parole d'Allah à tort et à travers. Également, le cheikh il dit ensuite, donc il y a un consensus. Si l'imam Mohammed ibn al-Hassan dit qu'il y a un consensus, ça veut dire qu'il y a un consensus. Hein, c'est des consensus, tous les savants sont d'accord là-dessus. Parce que c'est un alim, un élève de Abu Hanifa et de Malik, de l'imam Malik. Hein? Il a pris des deux. Yani, si je me souviens bien, dans les paroles des imams, justement, Mohammed ibn Hassan, si je ne me trompe pas, c'est lui qui a dit qu'il a changé, je pense, deux tiers du madhab. Quand il a étudié, Mohammed ibn Hassan, il a étudié avec l'imam al-Shafi'i, pardon, avec l'imam Abu Hanifa. Après, il est parti étudier avec l'imam Malik. Et quand il a rencontré Malik, il a changé deux tiers des positions qu'il avait de son madhab. Hein? C'est-à-dire, quand il a étudié avec Malik, il a appris des hadiths qu'il ne connaissait pas. Et il a changé beaucoup de ses positions dans son fiqh, hein, et dans sa compréhension de la religion, une fois qu'il a rencontré l'imam Malik. Hein? Donc, ça c'est un exemple. Après, il dit « Wa akhbara anna al-jahmiya tasifuhu bil-umur al-salbiya ghaliban ou da'iman » وقوله من غير تفسير أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات. Donc le cheikh il dit, ensuite cheikh Ibn Taymiyyah il dit, et il a informé, c'est-à-dire Mohammed Ibn Hassan, il nous a informé que les Jahmiya décrivent Allah par des négations en général. C'est-à-dire que les gens de Bid'ak, parmi les Jahmiya, quand ils parlent d'Allah par des négations seulement. Ils vont dire, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas dans un lieu. Il n'est pas, il n'a pas de mouvement. Il n'a pas de couleur. Il n'a pas de forme. Il n'a pas de goût. Il n'a pas d'odeur. Il n'est pas en haut. Il n'est pas en bas. Il n'est pas à gauche. Il n'est pas à droite. Il n'est pas à l'intérieur du monde. Il n'est pas à l'extérieur du monde. Il n'est pas connecté avec le monde. Il n'est pas séparé du monde. Et tout ce qu'ils disent à propos d'Allah, c'est que des négations. Ils affirment pas. Il n'y a pas d'affirmation dans leur façon de parler d'Allah. Et ils nient des choses sur lesquelles Allah n'a révélé aucune preuve, aucune autorité, et ils parlent à propos d'Allah sans aucune science. Pourquoi? Parce qu'ils se basent sur la parole des philosophes grecs, comme Aristote et Platon et d'autres, hein? Et ils se basent donc sur les règles de logique que ces gens-là ont inventées, et sur leur métaphysique et des trucs comme ça, et ils comparent Allah à sa création. Donc ils nient ces trucs-là de cette façon-là. Alors que la position des salafs, c'est de détailler dans l'affirmation, hein, et de nier de façon globale et générale. C'est le contraire de la voie des Jahmiyyah. Les Jahmiyyah, dans la négation, ils nient en détail. Et ils affirment de façon générale. Tandis que la position d'Ahlus Sunnah, c'est le contraire. Dans les affirmations, ils détaillent. Et dans la négation, il nie de façon générale. Un exemple de ça, c'est que vous voyez que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il est As-Sami', Al-Basir, Al-Alim. Il mentionne ses attributs dans le Coran, qu'il est Al-Arsh Istawa, Ya'ti Yawm Al-Qiyamah, Yanzilu Fi Akhir Al-Layl. Il vient au jour de la résurrection, il descend au dernier tiers de la nuit, il est élevé au-dessus de son trône. Et quand il nie des imperfections de façon générale. Par exemple, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Il n'est pas touché par la somnolence, ni par la fatigue ou le sommeil. Il dit par exemple, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui soit semblable à lui ou qui soit pareil à lui. Et il est l'audient et le voyant. Donc on voit la négation et l'affirmation. La négation est générale. Et l'affirmation est spécifique. Hein? Il dit aussi وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ. C'est lui qui nourrit et n'est pas nourri. Hein? Ou bien, il dit par exemple وَلَمْ يَكُنْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré, il n'y a rien qui lui ressemble. Hein? Il dit, qu'est-ce qu'il dit encore? En tout cas, il y a plein d'exemples comme ça à propos des négations dans le Coran, qu'il n'a pas de fils, qu'il n'a pas de compagne, qu'il n'a pas d'égal, qu'il n'a pas de, hein, qu'il n'a pas de ressemblance, et ainsi de suite. وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. on n'a pas été touché par la fatigue ou le sommeil et ainsi de suite. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. Donc il y a l'affirmation et qui est l'affirmation qui est spécifique et la négation qui est générale. Tandis que chez les gens de bid'a, ils ramènent des négations sans aucune affirmation. Et les ulama d'Ahlus Sunna, comme l'expliquait Cheikh Mohamed Aman al-Jami dans son charh de Al-Aqidat al-Wasitiya et dans son charh de Al-Fatwa al-Hamawiya, il mentionne que dans la négation absolue, il n'y a pas de glorification, il n'y a pas de perfection là-dedans. C'est par exemple, si par exemple je te dis par exemple Allah il dit dans, parmi les négations que Allah mentionne dans le Coran, il dit inna Allah la yadhlimu mithqala dharra. Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas une graine de moutarde d'injustice. OK? Et le Cheikh Mohamed Aman il dit, on voit ici la négation qui est une négation comme si qui est absolue, générale, hein, de l'injustice. Et il dit toute négation que Allah mentionne, il faut comprendre également qu'elle affirme son contraire absolu aussi. C'est-à-dire que si tu dis que Allah ne fait aucune injustice, ça veut dire qu'il est parfaitement juste. OK? Et tu vas dire, par exemple, quand tu dis, les versets qui disent, par exemple, qu'il n'a pas de fils, qu'il n'a pas de compagne, ça affirme le contraire absolu de ça. C'est-à-dire qu'il est al-qayyum, qu'il est celui qui se suffit à lui-même, qui n'a besoin de rien, alors que tout a besoin de lui. Donc c'est pas juste la négation d'une imperfection, mais c'est l'affirmation de son contraire absolu. Hein? Et c'est ça qui est une perfection. C'est ça qui fait que c'est une perfection. Même dans la négation, dans les négations, il y a une perfection dedans. C'est dans le but d'affirmer la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que si tu dis, par exemple, à propos du mur, et ça l'imam Cheikh Ibn Uthaymeen, il mentionnait cet exemple-là, il dit, si je dis, à propos du mur, le mur ne fait d'injustice à personne, c'est pas une glorification pour le mur. Parce que le mur, il fait ni d'injustice, puis il fait pas de justice non plus. Tu vois? Donc c'est pas juste de nier une imperfection ou de faire une négation de quelque chose, mais d'affirmer son contraire aussi, pour que ça ait le sens de la perfection que tu veux affirmer à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la voie des gens de bid'ah, c'est de nier en détail. Et ça, c'est la voie qu'ils ont innovée dans la religion. Hein, qu'ils ont contredit la voie des salafs en agissant comme ça, et ils ont innové également l'interprétation des attributs d'une manière qui est contraire à celle des sahaba et des tabi'in quand ils affirment. Hein? Donc quand ils affirment, ils déforment le sens. Ils vont dire la main c'est pas la main, c'est la force. La vue c'est pas la vue, c'est si. Le istiwa ça veut pas dire istiwa, ça veut dire istaula. Et ainsi de suite. Ils déforment chaque fois qu'il y a un attribut, ils le déforment, ils l'interprètent d'une manière qui est contraire à l'interprétation des salafus salih. Et c'est ça que les ulama ont blâmé. Cheikh bin Baz il dit ici à ce sujet, قال سماحة الشيخ وهذا الذي قاله محمد بن الحسن هو ما عليه أهل السنة والجماعة وهو إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان وهو إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تأويل بل يمرونها كما جاءت مع الإيمان بها واعتقاد أنها حق ولا تفسر بتفسير الجهمية وهو التأويل لها وسلبها ونفيها أو تكييفها وهذا وكل هذا باطل بل تمر كما جاءت مع الإيمان بأنها حق وأنها صفات لله لائقة به وأنها صفات كمال ليس فيها نقص وليس فيها تشبيه لله بخلقه فيقرؤون الرحمن على العرش استوى ورحمتي وسعت كل شيء بل يداه مبسوطتان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام في الحديث يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة وفي الحديث الآخر إن الله يرضى عن العبد إلى غير هذا فيمرونها كما جاءت صفة الرحمة صفة الغضب صفة الرضا اليد الوجه إلى غير هذا يعلمون أنها حق وأنها صفات لائقة بالله ثابتة لله على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى كما يقول جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد فلا تضربوا لله الأمثال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هكذا أهل السنة والجماعة يمرونها مع الإيمان بها وأنها حق أما تأويل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم هذا كله لا يصلح وكله باطل Donc, Cheikh Ibn Baz, il dit, c'est ça ce que l'imam Muhammad ibn al-Hassan a dit, c'est ce que suivent les gens d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. C'est-à-dire le consensus des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ceux qui les ont suivis de la meilleure manière après, c'est-à-dire de laisser les versets tels qu'ils sont. Quand tu passes sur les versets des attributs d'Allah et les hadiths qui parlent des attributs d'Allah, tu les laisses tels qu'ils sont. Et tu passes sur ce verset-là tel qu'ils sont, sans les déformer, sans les interpréter de façon à tort et à travers. Mais les salafs, ils prennent ces versets-là et ces hadiths-là et ils les acceptent tels qu'ils sont et ils y croient. Et ils sont convaincus que ce sont des paroles de vérité et qu'on ne les interprète pas par l'interprétation de la secte des Jahmiyyah qui nie les attributs d'Allah et qui les déforme. Hein? Si, pourquoi ils les déforment? Parce qu'ils n'y croient pas. S'ils y croyaient, ils n'auraient pas besoin de les déformer. Hein? Et la raison pour laquelle ils les déforment, et pourquoi ils n'y croient pas, c'est parce qu'ils s'imaginent que ces attributs-là impliquent une ressemblance entre le Créateur et la créature. Or, il n'y a pas de ressemblance entre le Créateur et la créature. Donc, il n'y a pas de nécessité ou de besoin de les nier, ni de les déformer. Hein? Puisque Allah dit « Laysa kamithlihi shay », il n'y a rien qui lui ressemble. Donc pourquoi tu vas déformer le sens d'une parole ou nier une parole par crainte que ce soit une ressemblance entre le Créateur et la créature alors que Allah dit qu'il n'y a pas de ressemblance entre le Créateur et la créature. Donc le problème est là. Et donc le Cheikh il dit « Il ne faut pas interpréter les paroles d'Allah et les attributs d'Allah » selon l'interprétation des Jahmiyyah, c'est-à-dire de les déformer de leur sens réel, ou de les nier, et ou de chercher à comprendre le comment, à demander le comment des attributs, hein, et chercher à les décrire, ou à les imaginer. Tu ne dois pas essayer de les imaginer. Tu les prends tels quels. Et tu dois être convaincu de ce que Allah a dit. Et donc, toutes les interprétations des Jahmiyyah sont fausses. Il faut prendre les versets tels qu'ils sont et croire en ces versets-là et croire que ce sont des paroles véridiques et que ce sont des attributs d'Allah qui lui conviennent, hein, qui correspondent à sa grandeur et à sa perfection et à sa majesté. Et que ce sont des attributs de perfection dans lesquels il n'y a aucune imperfection, aucun rabaissement, aucune imperfection, aucune faiblesse, aucun défaut. Hein? Et il n'y a pas de ressemblance dans ces attributs-là entre le Créateur et sa création. Et donc, les salafs, hein, les sahaba et ceux qui les ont suivis, ils récitaient les versets dans le Coran. Que Allah le Très-Haut est au-dessus de son trône. Et la parole d'Allah lorsqu'il dit, ce qui signifie « ma miséricorde a englobé toute chose » ou « enveloppé toute chose ». Ou bien le verset dans lequel il dit « ses deux mains sont grandes ouvertes, hein? Et le verset dans lequel il dit et le visage de ton Seigneur le visage de ton Seigneur demeure et reste, hein, va rester celui qui détient un visage c'est l'attribut du visage, hein? ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Seul subsistera la face de ton Seigneur, le visage de ton Seigneur. Donc il faut croire que Allah a un visage. Mais comment il est ce visage? On ne le sait pas. On n'a pas le droit de faire des ressemblances entre le visage du Créateur et le visage de la créature. Hein? Allah a un visage qui lui convient. Et Allah décrit, il dit, seul subsistera le visage de ton Seigneur plein de majesté et de noblesse. Donc c'est Allah qui décrit son visage comme étant plein de majesté et de noblesse. Donc les salafs, ils lisaient ce verset-là, ils n'ont pas commencé à dire, non, le visage, ça ne veut pas dire le visage, hein? Et ainsi de suite, non. Et les ulama, ils ont mentionné un exemple pour montrer qu'il n'y a pas de raison de croire qu'il y a des ressemblances entre les attributs du Créateur et de la créature, puisque entre les créatures elles-mêmes, les attributs qu'ils possèdent ne sont pas comparables. Hein, si tu regardes par exemple le visage de, par exemple, le visage d'un animal et le visage d'un être humain, c'est pas le même visage. Il y en a qui disent, regarde la face d'une pièce de monnaie, la face d'un édifice, hein, la face de... Tout ça, c'est des faces. Mais est-ce qu'elles sont comparables les unes avec les autres? Non. La face de l'édifice correspond à l'édifice. La face de la pièce correspond à la pièce de monnaie. La face de l'animal correspond à l'animal. Hein. La même chose pour les autres attributs. La main de l'être humain, la main de la poule, la main du singe, hein, la main de l'éléphant. Chacun il a une main qui lui correspond, hein. Et la même chose pour la vue, hein. La même chose pour la vue, la même chose pour toutes les autres attributs. Donc chacun il a l'attribut qui lui convient. Et si c'est différent entre les créatures les unes par rapport aux autres, alors que dire de la distinction et de la différence qui existe entre le Créateur et la créature? C'est encore plus grand comme différence, hein? Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus parfait, hein, et le plus grand. Donc il n'y a pas de comparaison possible. Et il mentionne également des hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné des attributs d'Allah, comme par exemple le fait que Allah subhanahu wa ta'ala rit de deux hommes, hein, ou bien il rit à la vue de deux hommes. Un des deux a tué l'autre et les deux rentrent au paradis. Un des deux a tué l'autre et il rentre au paradis. Ça c'est un exemple que Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses attributs, c'est qu'il rit. Mais c'est pas un rire qui implique une imperfection. C'est un rire parfait, un rire qui correspond à sa majesté et à sa grandeur et à sa perfection. Et c'est pas comparable au rire des créatures. Hein? La même chose pour la parole, pour l'agrément. Allah est satisfait de son serviteur. Hein? Donc, Ar-Rida, il faut l'affirmer. Ar-Rahma, il faut l'affirmer. Il faut affirmer la colère. Allah yaghdab, il se fâche, il se met en colère. Mais la colère d'Allah, c'est pas comparable à la colère des créatures. La main, le visage, et ainsi de suite. Donc, les salafs, ils affirmaient ces attributs-là, ils savent qu'elles sont vraies et que ce sont des attributs d'Allah qui conviennent à Allah et qui sont affirmés à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, donc, il a ces attributs-là et on lui attribue d'une manière qui lui convient. En ce qui concerne la négation, il n'y a rien qui lui ressemble. Il n'y a rien qui soit comparable à lui. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Hein? فلا تضربوا لله الأمثال. Ne faites pas des comparaisons entre Allah et sa création. Ne frappez pas des comparaisons ou des exemples ou des analogies entre Allah et sa création. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Il n'y a rien qui lui soit semblable ou qui lui soit pareil. Et il est l'audient et le voyant. Et donc c'est ainsi que les gens de la Sunna prennent ces attributs-là et ils les acceptent tels quels. On n'a jamais vu et on n'a jamais entendu non plus dans quoi que ce soit d'authentique qu'un sahabi aurait transmis une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il aurait dit après l'avoir transmis, il ne faut pas croire en qu'est-ce que ce hadith l'a dit. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionnait ces paroles-là, il mentionnait les versets d'Allah, il mentionnait ces paroles et ces hadiths. Quand il finissait de lire un verset, est-ce qu'à la fin du verset, il disait, attention, croyez pas que quand Allah dit qu'il a une main, que ça veut dire qu'il a une main. Non, il faut croire que c'est la force ou la grâce. Si c'était ça la voie des salafs, si c'était ça qu'on devait faire, hein, qu'on ne devait pas croire au texte tel qu'il est, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'aurait dit. Au moins dans un hadith, au moins dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala aurait dit, il ne faut pas prendre ces versets-là tels qu'ils sont, il ne faut pas y croire. Hein? Mais jamais on a lu, ni dans le Coran, ni dans les paroles authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni dans les paroles des sahaba, ni dans les paroles des tabi'in, que les attributs d'Allah, et sinon il ne faut pas les accepter tels qu'ils sont, il faut les interpréter. Donc ça, déjà ça, c'est suffisant comme preuve de la fausseté de la méthodologie des Jahmiya et des Mu'tazila et des Asha'ira et des Maturidiya et des Ahbash et de tous ceux qui sont sur leur voie d'égarement. Donc, ça c'est clair que ça c'est la position d'Ahlus Sunnah wal Jama'a, que c'est la vérité, tandis que les interprétations et les fausses interprétations et les déformations des sens des attributs d'Allah qui sont pratiquées et ramenées par les Jahmiyyah, les Mu'tazila, les Asha'ira et d'autres, tout ça ce n'est pas correct et tout ça c'est faux. D'accord? Naam. Donc ça c'est le commentaire de Sheikh Ibn Baz à ce sujet. Et naam. Ok, donc on termine le cours comme ça. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.